Francisco Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 29 juin 2019. Voici les grands titres de cette édition. Les travaux de construction et de réhabilitation du port de Bujumbura reprennent dès le mois d'octobre de cette année. Ce sera pour une durée de 18 mois. C'est une annonce faite par le ministre burundais des Relations extérieures et l'ambassadeur du Japon au Burundi et au Rwanda. C'était ce samedi. Et des leaders de partis politiques ont bien accueilli la publication du calendrier électoral, mais demandent à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, de travailler dans l'impartialité pour le bon déroulement des élections. Vous entendrez les réactions des partis UPRONA et CNDD. Et les habitants du quartier Mirango 1 de la zone Kamenge à mairie de Bujumbura craignent des maladies des mains sales suite au manque criant d'eau qui s'observe dans ce quartier, et cela depuis un certain temps. Reportage à suivre dans ce journal qui sera suivi par la revue de presse comme tous les samedis. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les habitants du quartier Mirango 1 de la zone Kamenge à mairie de Bujumbura craignent des maladies des mains sales suite au manque criant d'eau qui s'observe dans ce quartier depuis un certain temps. Gordien Sabouanga, chef du quartier Mirango 1, fait savoir qu'ils se sont adressés à la régie des eaux qui n'a pas réagi à leur doléance. Mais à la régie des eaux, on indique qu'ils ont déjà commencé la distribution de l'eau par délestage. On fait le point avec Aimé Richard Niyonkuru. Ces habitants du quartier Mirango 1 de la zone Kamenge déplorent ce manque criant d'eau et disent que, quand bien même elle apparaît, elle arrive tardivement dans les eaux avancées. Ils disent qu'ils craignent des maladies des mains sales. L'eau arrive souvent pendant la nuit et on se réveille pour aller puiser. Sinon, on risque de ne plus avoir de l'eau toute la journée. Par exemple, hier soir, on a eu une petite quantité d'eau. C'est pour cela alors que je demande à la régie des eaux de nous approvisionner en eau une quantité suffisante. À côté de cela, ceux qui détiennent des restaurants nous ont fait savoir que cette situation perturbe leurs activités car, disent-ils, l'eau est un élément indispensable en matière d'hygiène. Nous payons les conducteurs de taxi vélo pour qu'ils nous amènent de l'eau. On ne peut pas vivre sans eau, que ce soit pour le nettoyage ou la vaisselle. Donc, sans eau, on travaille et plie. Et sans travail, on mène une vie difficile. C'est pour cela que je demande à la régie des eaux de trouver la solution face à ce problème. Gordien Sabouanga, chef de quartier Mirango 1, précise de son côté qu'une telle situation occasionne des pertes énormes, mais que la question a été soumise à la régie des eaux, tout en indiquant qu'ils attendent la réaction de cette dernière. Vous savez que l'eau est la vie. On a déjà enregistré beaucoup de pertes. Il y a ceux qui disposent des toilettes à siège. Donc, sans eau, ça devient un problème. Nous avons déjà soumis la question aux instances hiérarchiques. Nous produisons toujours des rapports, mais sans succès. La régie des eaux n'a pas encore réagi. La direction de l'eau au sein de la régie des eaux dit être à l'œuvre pour dénouer cette situation, mais en attendant une solution définitive, Fabrice Nkunziza annonce que le système de délestage entre les quartiers Mirango 1 et 2 est déjà en marche. Aimé Richard Niyonkuru, infrastructure toujours avec les travaux de construction et de réhabilitation du port de Bujumbura qui reprennent dès le mois d'octobre de cette année pour une durée d'une année et 6 mois. Une annonce conjointe ce samedi du ministre burundais des Relations extérieures et l'ambassadeur du Japon au Burundi et le Rwanda. Le ministre Ezekiel Nibigira a précisé que ce projet de réhabilitation augmentera considérablement le volume de marchandises manutentionnées et cela facilitera en outre les échanges commerciaux entre le marché de la SADC et la communauté est-africaine. Mireille Kanyang. La signature d'accord de ce don entre le gouvernement du Burundi et l'Agence japonaise de coopération internationale JICA porte sur la réhabilitation du port de Bujumbura pour une aide de 26 millions de dollars. C'est un projet de longue date, dit le ministre burundais des Relations extérieures. C'est un projet qui dure de longue date. Mais vous savez que les moments difficiles que le Burundi a traversé ont fait que ce projet a été arrêté momentanément. Mais pour le moment, nous nous réjouissons que la JICA a décidé de continuer avec ses activités au Burundi. Ces travaux de construction de ce port de Bujumbura vont réduire les coûts de transport tout en augmentant le volume des marchandises, souligne le ministre Ezekiel Nibigira. Le Burundi fera tout pour que ces relations puissent se renforcer davantage. Nous savons que ce projet de réhabilitation du port de Bujumbura va aider notre pays et surtout que très récemment, vous avez déjà constaté que les bateaux commencent à venir à partir du port de Kigoma. Alors, avec la réhabilitation de ce port de Bujumbura, nous pourrons même accueillir plusieurs bateaux en provenance de Kigoma, pourquoi pas en provenance de Burungu, en Zambie. Alors, nous pensons qu'il y a vraiment un intérêt capital pour notre pays. Et effectivement, tout cela va contribuer au renforcement des relations entre notre pays et le Japon. Ce projet concerne le drainage du bassin du port, la construction d'un chantier naval, la construction d'un terminal à conteneurs, ainsi que la déviation du canal de Buyenzi. Les coûts de transport par voie lacustre seront réduits de $60 par rapport à la voie terrestre. Ce port de Bujumbura, ayant une capacité d'accueil annuelle de 500 000 tonnes, ce port opère avec les ports de Murungu en Zambie, Dar es Salaam et Kigoma en Tanzanie, ainsi que Kalemie en République démocratique du Congo. Mireille Kanyang, politique à présent, le parti Uprona apprécie la publication du calendrier électoral au moins 10 mois avant les élections de 2020. Olivier Nkurunziza, secrétaire général et porte-parole de ce parti, trouve que ce calendrier permettra aux parties prenantes de se préparer en conséquence. Il demande à la Commission électorale nationale indépendante de se préparer techniquement, car, dit-il, le code électoral contient des nouveautés dans le cumul de 3 élections. Suivez Olivier Nkurunziza au micro de Placide Niyomongere. Nous sommes très satisfaits de voir que la CENI a publié le calendrier électoral. Cela permet aux acteurs politiques et aux différentes formations politiques de se préparer en conséquence. Aujourd'hui, on va se référer sur le code électoral, mais aussi sur ce calendrier qui va nous aider, bien sûr, de se préparer d'abord au niveau des moyens, mais aussi au niveau technique. Et un calendrier électoral qui contient des dates qui sont un peu séparées, est-ce que ça peut pas avoir des conséquences sur le processus électoral? Je pense que ce décalage de temps ne va pas, bien sûr, influencer aucune chose parce que c'est en respectant, bien sûr, la fin de mandat des autres. Il y a, par exemple, le parlement qui va terminer son mandat en juillet avec la mise en place de tous ces arsenaux nécessaires pour que l'Assemblée, le président puisse commencer. Et cela ne va pas empêcher la vie du Burundi au moment où ce n'est pas en contradiction avec la loi burundaise, parce que je trouve que tout ce qu'on fait, ça doit être conforme à la constitution burundaise. Nous demandons à la commission électorale de continuer de se préparer techniquement, parce que dans le code électoral il y a des nouveautés qui nous demandent qu'il y ait bien sûr des préparations techniques. Et vous voyez, on fera 3 élections à la fois, mais aussi il y a les membres du conseil communal cette fois-ci qui seront égales au nombre de collines de chaque commune. Tout cela demande des préparatifs techniques pour que vers la fin, il n'y aura pas d'élémentation de notre formation politique. Olivier Nkurunziza, secrétaire général et porte-parole du parti Uprona. De son côté, le parti CNDD salue le fait que le calendrier rendu public par la CENI combine 3 scrutins, même s'il dit n'avoir pas été invité lors de sa publication. Jean-Claude Bassavo, secrétaire exécutif, craint cependant le mauvais déroulement des élections une fois ces 3 élections entachées d'irrégularité alors qu'elles sont combinées. Il demande donc à la Commission électorale nationale indépendante de travailler en toute impartialité. Suivez-les, il est joint au téléphone par Elini Bel Nibigira. L'appréciation de ce calendrier électoral, on peut partir de 2 points. Et premier point, on peut apprécier le fait qu'on a regroupé les présidents des élections législatives et des élections communales en un seul jour. Au niveau de l'économie, tant au niveau de l'économie moyenne, on peut dire qu'il y a une plus-value. Et surtout que même la population qui participe beaucoup de jours, ça peut être la tâche. Mais quand cela tienne, au niveau de l'organisation technique, il y a des lacunes, surtout que ces dernières années, on a assisté à des fraudes massives dans les élections. Si jamais alors il y ait une fraude qui s'immisce dans ces élections regroupées en un seul jour, donc nous voyons que le processus électoral, la démocratie que nous voulons renforcer par les élections risque d'être affectée. Mais cela ne signifie pas non plus que le processus électoral de 2020 sera entaché d'irrégularités. Oui, on ne peut pas dire cela comme tel, mais on ne peut pas aussi le nier catégoriquement, puisque dans les dernières années, même la CENI a avoué que des irrégularités sont mixées dans le processus électoral, pour dire qu'il n'y a rien qui prouve que pour 2020, il y aura toujours de irrégularités. Ça risque vraiment de compromettre la démocratie si jamais il y a ces cas d'irrégularités. Qu'est-ce que vous craignez comme entrave aux élections de 2020? Les entraves que nous craignons, c'est ce que nous assistons même aujourd'hui, où les politiciens n'ont pas les mêmes possibilités d'atteindre les populations, d'atteindre les électorats. Qu'est-ce que vous demandez en général la Commission électorale nationale indépendante? CENI nous demande ce qui lui est demandé par la loi. D'abord, respecter la loi telle qu'elle. Aussi, continuer à penser que la commission va être neutre. Essayer de ne pas pencher sur un côté. Et aussi, essayer de prouver le contraire de ce que nous pensons de cette CENI. C'était Jean-Claude Bassavos, secrétaire exécutif du parti CNDD, au téléphone avec Elie Nibel Nibigira. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Les commerçants qui ont signé des contrats avec la commune Rumonge pour exercer leurs activités dans le nouveau marché de Wuruhukiro doivent honorer leurs engagements pour leur sécurité et pour les recettes communales. Cette décision a été prise par le conseil communal de Rumonge réuni ce vendredi. C'est notre confrère correspondant Jean-Pierre Misago qui nous donnera ces informations dans notre édition de la soirée. Ainsi donc se termine ce journal. Je rappelle que les travaux de construction et de réhabilitation du port de Bujumbura reprennent dès le mois d'octobre de cette année pour une durée d'une année et six mois. C'est une annonce conjointe faite ce samedi par le ministre burundais des Relations extérieures et l'ambassadeur du Japon au Burundi et le Rwanda. Et des leaders des partis politiques ont bien accueilli la publication du calendrier électoral, mais demandent à la CENI de travailler dans l'impartialité pour le bon déroulement des élections. Les habitants du quartier Mirango 1 de la zone Kamenge à mairie de Bujumbura craignent des maladies des mains sales suite au manque criant d'eau qui s'observe dans ce quartier depuis un certain temps. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Tout de suite, Francine Ndihokugayo va me rejoindre. Tout de suite, Francine Ndihokugayo va me rejoindre pour la revue de presse. Jean Bosco, Douiman. Revue de la presse. Comme annoncé tantôt, c'est le journal des journaux. L'épée de Damoclès de la CPI toujours suspendue, rapporte le journal Iwachu. En effet, le porte-parole de la Cour pénale internationale a assuré que les enquêtes se poursuivent et pourraient déboucher sur des mandats d'arrêt et des citations à comparaître. Deux réactions recueillies par ce journal. D'une part, celle de Lambert Nigarura, un des avocats des victimes. Il considère que c'est un bon signe et une lueur d'espoir que dans les jours à venir, l'étape suivante sera franchie. C'est aussi, rapporte Iwachu, un clin d'œil aussi au gouvernement du Burundi de saisir la balle au bon en envoyant lui aussi les allégations contre les membres de l'opposition qu'il qualifie de terroristes. Avec cette démarche, le monde comprendra qu'il a la volonté de lutter contre l'impunité. Pour le conseiller principal à la présidence de la République, écrit toujours le journal Iwachu, les élections de 2020 approchent et les mêmes forces du mal qui ont déstabilisé le Burundi en 2015 ne désarmaient point. Selon l'ambassadeur Willy Nyamitwe, la Cour pénale internationale est un des instruments dans les mains de ces forces du mal qui asservissent l'Afrique et ne fait point peur au Burundi. Elle échouera et sera complètement défaite car le Burundi n'est pas à vendre. Le jet présidentiel en location révèle Burundi Echo. Il s'agit de l'avion de type Gulfstream JIV-1151 acheté en décembre 2016 par l'État burundais pour déplacer le président de la République du Burundi. Cependant, l'appareil reste cloué au sol. Le président n'a jamais affrété l'avion dans ses déplacements à l'intérieur du pays. Pourtant, le gouvernement continue à payer les frais d'entretien et de maintenance de cet appareil. Le coût de maintenance de l'avion du gouvernement s'élève à plus de 670 millions de francs-bourg au cours de l'exercice 2018-2019, note ce journal qui rappelle que le Conseil des ministres a donné son feu vert pour la location de l'avion présidentiel. Cet appareil est dispendieux et nécessite régulièrement des entretiens maintenance. Pour compenser ces frais, précise Jean-Claude Karigwandenzako, porte-parole du président dans les colonnes de Burundi Echo, que l'avion peut être affecté à d'autres services, outre le déplacement du chef de l'État, et que toute personne qui veut voyager a le droit de prendre cet avion. Il suffit d'adresser une correspondance au ministre en charge des transports pour négocier les modalités de location de cet appareil, explique le porte-parole du président cité par notre confrère. Revue de la presse. L'enseignement préscolaire relevant de l'État est presque inexistant au Burundi, selon la voix de l'enseignant, qui précise que ce type d'éducation pour les enfants de 3 à 6 ans, et dont la durée de formation est de 3 ans, essentiellement organisée en milieu urbain et semi-urbain. Cet enseignement est généralement rattaché aux écoles primaires. Néanmoins, constate ce journal de l'éducation, pas d'enseignants affectés à ce type d'éducation malgré la confection des manuels de la petite enfance. Pourtant, ce journal note qu'un enfant passé à ce stade d'enseignement est mieux préparé par rapport à un débutant de première année, de première heure. La culture du palmier à huile, une nouveauté dans les communes de Nyabitsinda et Kinyinya en province Luyigi. L'agence burundaise de presse qui donne l'information précise que la commune de Nyabitsinda possède deux sites, un servant de pépinière et l'autre de pépinière proprement dite, dans lesquelles sont reproduits 44 000 plants de palmeraie sur une superficie de 4,5 hectares. L'administrateur de cette commune a déclaré à l'ABP que ce projet est entièrement financé avec les 500 millions de francs burundais octroyés par l'État. Selon toujours l'ABP, en zone Kinyinya, il y a une pépinière de plus de 60 000 plants, presque déjà prête au repiquage vers les champs de la population sur une superficie de 400 hectares. Notre confrère ajoute que ce projet est initié par la société Savonor. Chaque année, le 26 juin, le monde célèbre la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic des drogues. La communauté des blogueurs Yaga fait remarquer qu'à Bujumbura comme à l'intérieur du pays, ces drogues font des ravages, surtout chez les jeunes. Boost, un dérivé de l'héroïne, serait la plus en vogue et circule sur le territoire du pays, caché sous plusieurs formes. Ce blogueur note que les autorités administratives et la police nationale qui contrôlent la circulation dans les espaces aériens ont déjà fait un pas de géant dans la lutte contre les drogues. Il rappelle aussi les arrestations de trafiquants de drogue qu'on fait souvent au niveau de l'aéroport international de Bujumbura avec le contrôle électronique de la voie aérienne. Cependant, regrette ce confrère, le chemin est encore long car les deux voies maritimes et terrestres qui restent sont encore mal contrôlées, surtout vers les frontières terrestres et maritimes qui facilitent la circulation. Ainsi se referme cette revue de presse présentée par Francine Ndiokugayo et Jean-Bosco Nduwimana. À la prochaine. Revue de la presse.